peux vous aider, monsieur ? Je vais la prendre. Pardon ? Autant j'hésitais, mais là, terminé, je la prends. Vous prenez quoi ? Bah, la Volkswagen. Ah ! Quoi, y en a plus ? Ah si, plein, mais moi je suis là pour le ménage, en fait. On ouvre dans une heure, monsieur. Vous seriez pas en train de me piquer la place, là ? Ah non, pas du tout. Je vais rester avec vous, quand même. Ne laissez pas passer votre chance. Du 14 au 18 mars, profitez du crédit 0% sur toute la gamme Volkswagen. Retrouvez cette offre dès maintenant sur Volkswagen.fr. Pour 10 000 euros empruntés, 1 500 euros d'apport, 36 mensualités de 277,78 €, montant total dû 10 000 euros. Sous réserve d'acceptation par Volkswagen Bank, conditions sur Volkswagen.fr. Une guerre peut en cacher une autre. Il ne fait nul doute que sur un point au moins, le président Poutine a dû approuver le déclenchement de la deuxième guerre du Golfe. Cela lui a permis d'avoir les mains encore un peu plus libres en Tchétchénie. Et je ne parle pas seulement des exactions de l'armée russe qui sont quasi quotidiennes. Non, je pense aussi à cet étrange référendum qui a eu lieu au mois de mars dernier. Un scrutin organisé dans un pays meurtri et déchiré, d'où une grande partie de la population a fui. Un scrutin auquel les envahisseurs, c'est-à-dire les soldats russes, étaient autorisés à participer. Un scrutin enfin qui aurait mobilisé 85% des électeurs et se serait traduit par une approbation massive, plus de 95% en faveur de la nouvelle constitution, un score digne des meilleurs plébiscites totalitaires et pour tout dire staliniens. D'ailleurs, avant même le dépouillement, les officiels pronostiquaient ce chiffre magique de 95%. Difficile donc dans ces conditions et compte tenu des menaces sur les électeurs, de la propagande et des irrégularités de toutes sortes, d'accorder foi à ce résultat et à la sincérité du scrutin. Mais peu importe, le président Poutine s'est empressé de déclarer que la question de l'indépendance de la Tchétchénie était désormais close. Circulez, il n'y a plus rien à voir. Et le président tchétchène, régulièrement élu, lui, Aslan Maskhadov, n'a plus droit à la parole. Il y a longtemps que M. X avait promis de me parler de la question tchétchène et de son instrumentalisation par le Kremlin. Il faut en effet ne pas oublier que les deux derniers présidents russes, Boris Yeltsin et Vladimir Poutine, ont conforté leur pouvoir ou même accédé au pouvoir grâce à la guerre en Tchétchénie. Tchétchénie, c'est horrible, hein, un véritable scandale. Songez que les estimations les plus optimistes font état de la mort d'un Tchétchène sur 10 et les plus pessimistes de la disparition d'un Tchétchène sur 5. C'est énorme, hein ? Oui. Oui, parce que si vous ramenez ça à l'échelle de la France, par exemple, ça signifierait la mort de 6 millions de personnes. Oui, une sorte de génocide. Oui, oui, même si peu de gens ont osé prononcer le mot. Il faut en outre souligner que ces deux guerres, dont la dernière n'est toujours pas terminée, se sont pratiquement déroulées sans témoin. Oui, dans un silence assourdissant. Non, c'est à peu près ça. Et la plupart des grands pays se sont abstenus de condamner la Russie, ou alors si modestement. Mais fondamentalement, alors, pourquoi ? À cause de l'ours russe, c'est tout petit, la Tchétchénie. Un peu plus d'une dizaine de milliers de kilomètres carrés. J'ajoute que c'est un territoire enclavé. Aucun débouché sur la mer et tout autour, une mosaïque de pays caucasiens qui ont une longue tradition de rivalité et de lutte ethnique. Des peuples, comment dire, turbulents. Mais, hein. Et qui se sont longtemps opposés à l'impérialisme russe, en particulier au XIXe siècle. Mais les Tchétchènes affirment même que leur résistance n'a pas cessé pendant plus de 4 siècles. Une longue résistance qui a aussi été favorisée par la nature du terrain. Oui, c'est-à-dire la montagne, oui, essentiellement. Oui, hein. S'il était facile aux envahisseurs de conquérir les plaines, il leur était beaucoup plus malaisé de déloger les Caucasiens qui se cachaient dans les montagnes. D'ailleurs, enfin, je ne vais pas vous infliger un cours d'histoire. C'est pour cette raison que ces peuples ont été généralement épargnés par les grandes invasions. D'accord, alors, la Tchétchénie. Bien, disons d'abord que ce pays, qui a été islamisé assez tardivement, n'a jamais connu de structure étatique ou juridique avant la conquête russe. Il existait simplement une juxtaposition de clans dirigés par des conseils d'anciens. Des anciens à qui les jeunes devaient obéissance. Mais globalement, on peut dire que c'était une société plutôt égalitaire. Il faudrait aussi, peut-être, parler des confréries religieuses, des confréries soufis, dont certaines existent encore aujourd'hui. Ouais. Et la religion, justement, quel genre d'islam ? Un islam tolérant. Les femmes tchétchènes ne sont pas voilées. Et les interdits alimentaires, je pense en particulier à l'alcool, n'ont jamais été respectés. Un vodka. Oui, mais ça a commencé à changer progressivement de façon assez récente, à cause de la guerre. Mais nous en parlerons si vous voulez bien. Et au 19e siècle, donc, les Tchétchènes résistent à la colonisation russe. Oui, hein. Et ils infligent même de lourdes défaites aux troupes tsaristes. Et ce n'est que dans la seconde moitié de ce siècle, après une quarantaine d'années de guerre, que l'imam Chamil se rendra et reconnaîtra sa défaite. Mais les troubles ne cesseront pas pour autant et les Tchétchènes ne manqueront pas une occasion de se révolter à nouveau. Et alors, quand arrive la révolution de 1917 ? Ça fait naturellement partie de ces occasions sur lesquelles sautent les Tchétchènes. Ils créent, c'est la première fois dans leur histoire, une république des montagnes. Une structure qui deviendra peu à peu un émirat nord-caucasien. Les Tchétchènes ne sont donc pas seuls, hein, non ? Non, d'autres peuples sont associés à cette initiative. Mais quelle est... leur attitude face au pouvoir bolchevique. Mais dans un premier temps, les Tchétchènes combattent aux côtés de l'armée rouge contre les Blancs. Mais lorsque ceux-ci sont vaincus, les bolcheviques se retournent contre les Tchétchènes. Parce qu'ils n'entendent pas accorder, les bolcheviques n'entendent pas accorder leur indépendance aux Tchétchènes. Bien évidemment. Et comme vous pouvez l'imaginer, ces derniers ne se résignent pas. Et ils entrent en lutte contre leurs anciens alliés. Et ça dure jusqu'en 1921. Mais la peine est qu'apparente. Les Tchétchènes ne se satisfont pas de l'autonomie qu'on leur a accordée avec la création d'une république de Tchétchénie-Ingouchie. Est-ce qu'ils veulent, c'est l'indépendance ? Oui, et à plusieurs reprises pour protester contre la collectivisation des terres ou bien encore contre les persécutions religieuses, les Tchétchènes passent à l'action et suscitent de nombreux troubles. Alors ça, jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale ? Oui, la Tchétchénie est alors brièvement occupée par les nazis. Mais la plupart des hommes ont été préalablement incorporés dans l'armée rouge où ils vont se battre avec beaucoup de courage contre les Allemands. Mais Staline ne leur en sera pas gré. Bien au contraire. Dès 1944, sous le prétexte que les Tchétchènes auraient collaboré avec les nazis, le maître du Kremlin ordonne leur déportation. Ce ne sont pas les seuls peuples de la région qui vont être déportés. Vous avez raison. Ça va être le cas des Tatars et d'autres encore. Et toujours pour la même raison. Est-ce qu'il y a une quelconque réalité dans les accusations de Staline ? Il est possible qu'à titre individuel, certains aient collaboré. Mais la grande majorité, non. En réalité, Staline profite de la guerre pour se débarrasser de toutes ces populations indociles. Et les Tchétchènes adultes sont raflés et embarqués manu militari dans des wagons à bestiaux. Ça rappelle une autre déportation. Oui, les méthodes sont absolument les mêmes. Et les conséquences aussi. Au cours de cet exil forcé, des dizaines de milliers de Tchétchènes vont trouver la mort. Alors là encore, on peut parler de génocide. Hein. Incontestablement. Et où les envoie-t-on, en fait ? En Asie centrale. La République autonome est abolie et les terres tchétchènes sont réparties entre différents autres peuples de la région, ossètes, géorgiens, ukrainiens, etc. Mais surtout, le pouvoir stalinien procède à une colonisation massive du pays par des Slaves et des Cosaques. Et dans la période qui suit la guerre, les autorités s'attachent à détruire tous les signes extérieurs de l'identité tchétchène. Les mosquées, les monuments et même les cimetières. Et quand les Tchétchènes, alors, peuvent-ils regagner leurs terres ancestrales ? En 1957, 4 ans après la mort de Staline, ils sont officiellement réhabilités. Réhabilités, c'est-à-dire qu'on les lave de l'accusation d'avoir collaboré avec les nazis ? Oui, ils peuvent rentrer chez eux ou ils doivent cohabiter avec les colons qui y ont été installés. Et ce n'est pas toujours facile. Oui, j'imagine. D'autre part, même s'ils ont été réhabilités, la majorité des Russes continuent à être persuadés qu'ils ont été effectivement les alliés des nazis. À cela s'ajoute la mauvaise réputation des Tchétchènes, qui sont supposés être des bandits sans foi ni loi. Je me souviens, moi, qu'à la fin des années 80, à Moscou, on avait très très peur de la mafia tchétchène. Ouais, vous êtes dans le vrai, cette mafia existait réellement. Mais ça ne suffisait pas pour en faire un peuple de gangsters. Ouais. Est-ce que cette réhabilitation s'est accompagnée de la recréation d'une république autonome ? Oui, mais prudemment, les Soviétiques ont toujours veillé à ce que le principal responsable du pays, c'est-à-dire le premier secrétaire du parti, soit un Russe. Et pas un Tchétchène. Alors que dans toutes les autres républiques autonomes du RSS, c'est toujours un national qui occupe ce poste. Ça veut dire qu'à Moscou, on se défie encore. C'est évident. Et les quelques Tchétchènes qui ont réussi, comme l'on dit, n'y sont arrivés qu'en choisissant l'exil à l'intérieur de l'URSS. Parce qu'ils étaient, des citoyens de seconde zone dans leur propre pays. Oui, certaines professions leur étaient interdites. Donc d'une certaine façon, ils avaient toujours un statut de colonisé. C'est certain, oui. Mais pendant cette ère post-stalinienne, Est-ce qu'on assiste à la renaissance des troubles qui ont émaillé les périodes précédentes ? Non. Non, les revendications sont d'abord culturelles ou politiques. Et pour une bonne raison, c'est que la plupart des adultes sont nés en déportation. Ouais. Et que beaucoup d'entre eux, intoxiqués par la propagande soviétique, ne sont pas loin de penser que pendant la Grande Guerre patriotique, comme on l'appelle, leurs parents ont vraiment collaboré. Mais il est évident que, comme il en a toujours été ainsi dans le passé, les Tchétchènes profiteront de la première occasion pour rouler dans les brancards. Et cette occasion, je le pense, c'est l'effondrement de l'Empire soviétique en 1991. Évidemment. Et dans l'atmosphère de pagaille qui suit, les indépendantistes tchétchènes peuvent penser qu'ils ont enfin acquis leur indépendance. D'autant que le nouveau maître du Kremlin, Boris Eltsine, a ouvertement encouragé toutes les républiques qui formaient l'URSS à se libérer des liens qui les unissaient à Moscou. Oui, ce qu'elles vont faire. Hein. Il ne pouvait pas en être autrement. On va assister, si je puis dire, à une véritable balkanisation du Caucase. Mais il semble bien qu'au sein de ce formidable mouvement d'émancipation, la Tchétchénie représente un cas particulier. Alors pourquoi pétrole ? Ah, vous n'êtes peut-être pas très loin de la vérité. La longue histoire de la Tchétchénie, on est frappé par l'extraordinaire capacité de résistance de ce petit peuple d'un peu plus d'un million d'habitants. On trouve une bonne explication dans un livre collectif très bien documenté qui vient de paraître aux éditions de La Découverte sous le titre « Tchétchénie, 10 clés pour comprendre ». En voici un extrait. La transmission dans la mémoire collective de « trauma sélectif » apparaît comme l'explication la plus convaincante de la capacité de résistance non encore démentie, plus que des caractéristiques sociales souvent avancées. Certes, le code de l'honneur, la loi du sang, l'économie traditionnelle de razzia contribuent à exalter les valeurs martiales ainsi que le culte de l'héroïsme et de la victoire. Mais ce code éthique, partagé par bon nombre de Caucasiens, n'a produit de tels effets que chez les Tchétchènes. D'autres peuples punis n'ont pas, non plus, développé le même rapport au passé. C'est dans une conjonction de facteurs que se trouve la réponse à la question de la singularité tchétchène. En 1994 ou 1995, les Tchétchènes en armes expliquaient qu'ils se battaient pour la liberté. Mais dans quel sens ? L'amour de la liberté, corollaire de la résistance, constitue l'autre face de l'auto-identification tchétchène. Immédiatement mis en avant, les formules de politesse, on ne dit pas « porte-toi bien » mais « sois libre ». La structure sociale, pas de classe hiérarchisée, sont bien souvent utilisées en jeu de miroir par l'étranger. Solzhenitsyn notait au goulag « Il est une nation sur laquelle la psychologie de soumission resta sans effet. Pas des individus isolés, des rebelles, non. La nation entière, ce sont les Tchétchènes. » Alors pourquoi pour Moscou, la Tchétchénie représenterait-elle un cas particulier ? Enfin, s'agit-il uniquement, une fois encore, d'affaires pétrolières ? Ah, pas uniquement, mais puisque vous avez posé la question, voyons ce qu'il en est exactement. C'est vrai qu'on trouve du pétrole en Tchétchénie. Mm-hmm. Mais disons-le tout de suite, à l'échelle de l'ancien empire soviétique, cette ressource pétrolière n'est pas très importante. Elle représente à peu près 1% de la production russe. Pas grand-chose, donc. Bon, même si pour les Tchétchènes, c'est important. Mais il y a autre chose. Je veux parler de l'industrie pétrochimique. C'est en Tchétchénie qu'on produisait de la paraffine, et surtout des lubrifiants pour l'aviation, à destination de tout l'ancien empire. Et cette industrie faisait partie du secteur interdit aux travailleurs tchétchènes. Pourquoi ? Parce qu'il s'agissait d'une production stratégique. Vraisemblablement. En outre, pour les Russes, la Tchétchénie avait un autre intérêt. C'est sur son territoire que passait un important oléoduc qui permettait d'évacuer le pétrole de la mer Caspienne jusqu'à la mer Noire. Or, cet oléoduc va prendre de plus en plus d'importance. Quelle raison ? Parce qu'on ne cesse de faire de nouvelles découvertes de gisements, aussi bien en Azerbaïdjan qu'au Kazakhstan, et que les grandes compagnies occidentales, profitant de la nouvelle donne politique en Russie, s'y intéressent de plus en plus et vont bientôt signer d'importants contrats d'exploitation avec ces républiques nouvellement indépendantes. Mmh. Oui, alors, dans ces conditions, l'oléoduc qui passe en Tchétchénie devient indispensable. Et pour deux raisons. Au début des années 90, il n'existe aucun autre tube pour acheminer le pétrole en mer Noire, là où il peut ensuite être chargé sur des tankers à destination des États-Unis. Donc, en attendant la construction d'autres oléoducs traversant la Géorgie, par exemple, les compagnies pétrolières ne peuvent compter que sur ce tube qui court en Tchétchénie sur 150 km. Ouais. Et ensuite, il y a d'autres raisons, non ? Mais la Russie impuissante à empêcher les compagnies pétrolières internationales, essentiellement américaines, d'exploiter ce pétrole, veut au moins en contrôler son transport. Vous commencez à comprendre. Ouais. Et pour contrôler ce transport, il faut aussi contrôler la Tchétchénie. Bah exactement. Mmh. C'est certainement cette question qui est au centre du déclenchement de la première guerre de Tchétchénie en 1994. Oh, je ne dis pas que c'est la seule, mais ça va compter énormément. Et d'ailleurs, il n'est pas exclu que ces grandes compagnies américaines, Exxon ou Amoco, aient fait pression sur Moscou. Pour que les Russes interviennent en Tchétchénie ? Oui, parce qu'un oléoduc doit être sécurisé. Or, l'indépendance tchétchène ne garantit pas cette sécurité. Pourquoi ? Parce que les Tchétchènes ne se priveront pas de pirater cet oléoduc. Ah oui, donc de faire couler le pétrole à leur profit, c'est ça ? Bien évidemment, donc vous le constatez, l'argument pétrolier est loin d'être négligeable. Mais si vous voulez bien, revenons un peu en arrière. Et voyons dans quelles conditions les Tchétchènes ont proclamé leur indépendance. Un homme est au cœur de cette affaire, un général. Oui, Doudaïev. Oui, celui qu'on appelle aussi le père de l'indépendance. Djokhar Doudaïev est l'un de ces rares Tchétchènes qui ont réussi à faire une brillante carrière. Jeune officier, il s'est d'abord fait remarquer en Afghanistan, où il se bat avec vaillance. Général à la fin des années 80, il est ensuite nommé en Estonie, où on lui confie le commandement d'une division de bombardiers stratégiques. Ah ouais. Il y est alors le témoin direct des premières fissures qui vont emporter l'Empire soviétique. Ouais, et ça lui donne des idées. Certainement. Au cours d'une parade militaire, il permet aux indépendantistes estoniens d'arborer leur drapeau. Est-ce qu'il pense alors à l'indépendance de son propre pays ? Évidemment. Et il rentre bien vite chez lui, décidé à se battre, s'il le faut, pour conquérir cette indépendance. Alors même contre cette armée rouge dont il était, m'avez-vous dit, l'un des plus valeureux généraux. S'il le faut, oui. Je pense que vous avez gardé en mémoire son image. Son borsalino, sa fine moustache, son visage mince et le pistolet toujours à la ceinture. Oui, si vous me permettez, il ressemblait plus à un chef de gang qu'à un ex-général de l'armée soviétique. Oui, vous avez raison. Et ce n'est peut-être pas par hasard si on l'a dit très proche de la mafia tchétchène. Enfin, passons. Doudaïev se trouve déjà à Grozny quand, en août 1991, Boris Eltsine, exploitant le putsch manqué des généraux, commence son irrésistible ascension vers le pouvoir. Quand le putsch a eu lieu, on en a parlé il n'y a pas si longtemps, hein, de quel côté s'est rangé Doudaïev ? Il a choisi clairement le camp d'Eltsine. Et c'est Eltsine qui va l'encourager à se hisser à la première place en Tchétchénie. Mmh. Boris Eltsine qui pourtant deviendra l'un de ses plus féroces adversaires. C'est vrai, mais le futur maître du Kremlin n'a alors qu'une idée en tête, miner le régime soviétique, quitte à brader des pans entiers de l'Empire. Ouais, et régner ensuite sur ses ruines. Oui, ce qu'il réussira à la fin de l'année 1991. Doudaïev, lui, va aller encore plus vite. Avec la bénédiction de Boris Eltsine, il chasse de Grozny le chef du parti communiste local, provoque des élections présidentielles et se fait élire triomphalement fin octobre. 4 jours plus tard, il proclame l'indépendance de la Tchétchénie. Et à ce moment précis, alors, comment réagit Moscou ? Au moment où Doudaïev accède au pouvoir, c'est la plus grande confusion à Moscou. Tout s'écroule. Alors la proclamation d'indépendance des Tchétchènes ne provoque guère d'émotion, même si au Kremlin, on déclare que cette autoproclamation est illégale. Oui, mais Moscou est alors dans l'incapacité de riposter efficacement. Hein. Oui, d'autant que nous l'avons déjà dit, que le nouvel homme fort, Boris Eltsine, va prendre lui-même l'initiative de pousser les républiques non russes à s'émanciper. Mais pour les raisons que je vous ai déjà dites, ça ne pourra pas durer très longtemps. Oui. Le pétrole. Et aussi le fait que Moscou craint que d'autres républiques caucasiennes ne suivent l'exemple tchétchène. Or, notez-le bien, de nombreux troubles vont éclater dans tout le Caucase après l'effondrement de l'Empire. Des troubles souvent suscités par Doudaïev lui-même, qui se verrait bien à la tête d'une confédération des pays caucasiens. Et ce n'est qu'en 1993 que ces petites républiques rentreront dans le rang et accepteront d'être intégrées à la Fédération de Russie. Oui, à l'exception de la Tchétchénie. Oui, Doudaïev n'entend pas renoncer. Il résiste farouchement aux pressions du Kremlin et entreprend toute une série de voyages à l'étranger pour tenter de faire reconnaître l'indépendance de son pays. Avec succès ? Non. Non, oui, c'est bien ce qui me semblait. Et comment vous expliquez ça alors ? Oh, la plupart des grands pays, surtout à l'ouest, soulagés de constater qu'on en a enfin terminé avec la guerre froide, n'ont pas envie de mettre des balais dans les roues du nouveau pouvoir russe. Au contraire. Ils ont envie d'aider la Russie à se démocratiser. Mais à se libéraliser, surtout. Bien entendu. Personne n'oublie ses intérêts. En outre, je l'ai déjà souligné, le lobby pétrolier lorgne déjà sur le pétrole de la Caspienne. Par conséquent, le destin de la petite Tchétchénie importe peu à côté de tous ces grands enjeux. C'est d'autant plus vrai que Doudaïev va lui-même creuser sa propre tombe. C'est-à-dire ? Bah, la Tchétchénie, je vous l'ai déjà dit, n'a jamais disposé de réelles structures gouvernementales. C'est une mosaïque de clans rivaux qui vont bientôt se déchirer. Et Doudaïev a beau essayer de régner d'une main de fer en concentrant tous les pouvoirs entre ses mains et en dissolvant le Parlement, il apparaît assez vite que la Tchétchénie est ingouvernable. Mais cette confusion-là aurait-elle pu être orchestrée de l'extérieur ? De la Russie, vous voulez dire ? Bah oui. Ça n'est pas exclu. Les opposants regroupant des chefs de clans, d'anciens fonctionnaires communistes ou bien encore des intellectuels ont certainement été en contact avec les Russes. Des Russes qui, il faut le noter, ont quitté en masse la Tchétchénie dès la proclamation de l'indépendance. Ouais, alors c'est donc l'anarchie. On observe même des affrontements armés entre certains grands féodaux et le pouvoir central. Et corruption, gabegie et activités mafieuses prolifèrent. Mais pour revenir à ce que vous disiez, il est sûr que la Russie a tout fait pour contrer les indépendantistes tchétchènes, en organisant en particulier un véritable blocus du pays. Doudaïev a creusé sa propre tombe, a dit M. X. Peut-être. En tout cas, il n'a jamais hésité à faire des déclarations incendiaires et assez peu crédibles. Lorsque Moscou brandit la menace d'une intervention militaire, il affirme qu'il déclenchera la Troisième Guerre mondiale et déchaînera le feu nucléaire sur la Russie. Un autre jour, il proclame qu'il fera de son pays le Koweït du Caucase. Hablerie, oui. Et surtout destiné à une opinion publique qui se détache petit à petit de lui et à une opposition hétéroclite manipulée par le Kremlin. Ainsi, l'historien Karel Bartak peut écrire ceci dans un numéro du Monde diplomatique de 1995. Tous ces protagonistes entretenaient des rapports ambigus entre eux avec le pouvoir à Grozny ainsi qu'avec le Kremlin. Les 6 derniers mois ont vu une série de complots et de réunions secrètes avec des agents de Moscou. Mais, à l'exception de M. Avtourkhanov, aucun opposant ne prônait une solution militaire et leur programme pour l'avenir, indépendance, statut spécial au sein de la Fédération, subordination totale à Moscou, restait flou. On assistait, en fait, à une âpre lutte pour le pouvoir, une lutte qui s'ancrait dans la fierté orgueilleuse de ce peuple, le plus nombreux du flanc nord du Caucase. Selon le recensement de 1989, on comptait 1 million de Tchétchènes sur tout le territoire de l'Union soviétique, et aussi dans sa tradition ancestrale de la vendetta et dans la cohésion des familles et des clans. La Russie tout entière tremble depuis des mois devant la mafia tchétchène, à la fois puissance véritable et fruit de la propagande à relent raciste de Moscou. Ce blocus russe a eu des effets désastreux en Tchétchénie. Et positif du point de vue de Moscou ? Bien sûr, puisque la finalité de ce blocus était l'asphyxie du pays, et donc la fin de l'indépendance. Mais en même temps, en organisant la pénurie et en condamnant des Tchétchènes toujours plus nombreux à la misère, les Russes ont joué avec le feu. Expliquez-moi ça. Le résultat prévisible, ça a été une spectaculaire augmentation de la criminalité et une radicalisation du régime de Doudaïev. Un régime, un pouvoir encore plus personnel. Et surtout une islamisation progressive des autorités tchétchènes. Doudaïev lui-même n'était pas un musulman très convaincu, mais au fur et à mesure, à cause de Moscou, il va être tenté de se servir de l'islamisme pour rassembler les Tchétchènes contre le colonisateur russe. Ça va laisser des traces profondes. Jusqu'à aujourd'hui, mais on en reparlera parce qu'on a raconté pas mal de sottises là-dessus. Mmh. Les Russes, on le sait, vont intervenir militairement en Tchétchénie. À la fin de l'année 1994, oui. Mais très peu de temps auparavant, on assiste à une très étrange opération. Fin novembre, des forces de l'opposition au président Doudaïev et une trentaine de chars russes pénètrent dans Grozny. Les Tchétchènes ripostent aussitôt. C'est un véritable massacre. Opposants et soldats russes sont tués ou faits prisonniers. Mais pourquoi parlez-vous d'une étrange opération ? Mais parce que cette petite troupe n'avait aucune chance de réussir à renverser Doudaïev, surtout dans un pays où pratiquement tous les habitants sont armés. Alors, vous avez une explication ? Ben, il s'est agi d'une véritable provocation destinée à justifier une opération militaire ultérieure, ce qui s'est effectivement passé quelques jours plus tard, en décembre. Sur le thème de la vengeance ? Et de l'assimilation des Tchétchènes à des bandits, oui. Mmh. À la même époque, il faut le noter, va commencer à se développer un racisme insidieux dans la société russe. Les Noirs, comme on les appelle, c'est-à-dire les gens originaires du Caucase, les bronzés, quoi. Ouais, sont montrés du doigt, font l'objet de vexations et sont dès lors contrôlés à n'importe quel propos. Mm-hmm. Qui est à l'origine alors, de cette manipulation ? Le Kremlin, c'est-à-dire Yeltsine ? Bah, il n'est pas exclu qu'il ait été mis devant le fait accompli. Et par qui quoi, son entourage ? Sans doute, et surtout le FSB. Ouais, c'est-à-dire le service secret qui a pris la succession du KGB. Oui, super. Mais il n'était pas trop difficile de circonvenir à un président à la santé chancelante et à l'ivrognerie notoire. Ah, ouais. Bon, la Russie, à cette époque, allait à volo, il ne faut pas l'oublier. Yeltsine était alors dans les mains des oligarques, de tous ces milliardaires qui avaient fait fortune en s'appropriant la plupart des grandes entreprises publiques. Ouais. Hein. Et ces oligarques avaient intérêt à ce que la Russie intervienne militairement en Tchétchénie ? J'en suis persuadé, parce que Boris Yeltsine était menacé. Menacé. Politiquement. Fin 1994, on pouvait légitimement penser qu'aux prochaines élections législatives, et surtout à l'élection présidentielle de 1996, le clan Yeltsine subirait une cuisante défaite. On prévoyait même une victoire des communistes. Ouais. Alors donc, Yeltsine se lance dans la guerre en Tchétchénie pour se refaire une santé, ensemble. C'est évident, il se pose en champion de l'intégrité de la Russie, c'est ce qu'il déclare dès le début de l'opération militaire. En même temps, la propagande orchestrée par les services secrets se met de la partie. Mais d'accord, mais avec quels arguments ? Oh, des insinuations très classiques et qui, à la lumière des événements actuels, ont un air de déjà-vu. On prétend par exemple qu'on aurait repéré en Tchétchénie des concentrations de groupes terroristes mêlant extrémistes de droite, turcs. Les trop fameux loups gris, oui, et aussi les moudjahidines afghans. Ah ouais. Oui, c'est-à-dire, rien de nouveau sous le soleil. Non, d'autre part, on aurait aussi vu en Tchétchénie des mercenaires arriver des républiques caucasiennes voisines. Bref, il faut au plus vite juguler ce qui pourrait bien devenir une explosion générale dans le Caucase. Alors, c'est ainsi qu'on justifie la nécessité de faire cette première guerre. C'est ça, oui. Et ça commence par d'intenses bombardements sur Grozny. Grozny qui, je vous le rappelle, va être pratiquement détruite. Alors, pourquoi cette tactique ? Parce que les Russes savent que s'ils s'engagent dans des combats de rue, ils auront de très lourdes pertes. En plus, l'armée rouge n'est plus ce qu'elle était. Le moral des troupes est au plus bas. Je ne parle pas de la désorganisation générale. Oui. Alors, il vaut mieux frapper à distance. Oui, quitte à provoquer de véritables désastres humains. Et si je me souviens bien, parce que c'est pas si vieux ça, la communauté internationale ne se manifeste guère. Non, seuls quelques pays musulmans protestent. Et aussi des républiques ex-soviétiques d'Asie centrale. Mais à l'ouest, c'est le grand silence. On considère que les Russes règlent à leur façon un problème intérieur. Mais pas d'ingérence. D'autant qu'on ne s'est pas privé à Moscou de faire savoir à Washington que si Boris Yeltsin ne gagnait pas les élections, les communistes reviendraient au pouvoir. Un tel argument ne pouvait pas inciter les Américains à bouger, même diplomatiquement. Pire, ils ont même insisté pour que le FMI, le Fonds monétaire international, accorde à Moscou un prêt de 50 milliards de dollars. Ouais, ce fameux prêt là, qui va être détourné en partie par le clan Yeltsin. C'est juste, ouais, il existait peut-être aussi à Washington une arrière-pensée. Après l'effondrement de l'Empire soviétique, il n'était sans doute pas inintéressant d'observer sur le terrain ce que valait encore l'armée rouge. Ouais, au fond, une expérience grandeur nature ? Voilà. Quant aux Européens, au moment où la guerre fait rage en Tchétchénie, ils acceptent la candidature russe au Conseil de l'Europe. Ça signifie par conséquent que les Russes peuvent faire à peu près n'importe quoi en Tchétchénie. Oui, on leur laisse les mains libres. Mais ça ne veut pas dire pour autant qu'ils vont arriver facilement au bout des Tchétchènes. Comme les Américains en Irak, ils ont envisagé une guerre courte et victorieuse. Et c'est vrai que devant le puissant rouleau compresseur russe, les guerriers tchétchènes, mal équipés, semblaient ne pas peser lourd. Mais c'était faire fi de leur courage et de leur détermination. Et pourtant, vous devez le savoir, les militaires russes ont usé de tous les moyens pour vaincre. Ouais, pas des moyens les plus honorables. Non, torture, pillage, exécution sommaire, massacre de populations civiles ont été le lot quotidien des Tchétchènes pendant ces 2 années de guerre. On estime que ce conflit fera au total plus de 100 000 morts. Et pourtant, il se terminera par une cuisante défaite des Russes. Enfin, oui, mais enfin, n'allons pas trop vite. En avril 1996, Doudaïev est tué par un missile. Mais je me souviens, il aurait été localisé par son téléphone satellitaire. C'est ce qu'on a dit, oui. Enfin, le chef tchétchène qui lui succède engage des pourparlers avec le Kremlin. Un cessez-le-feu est même signé. Mais il n'est pas respecté par l'armée russe et ce n'est sans doute pas un hasard. Et pourquoi, là? Parce que l'élection présidentielle russe est maintenant toute proche. Et que Eltsine ne peut apparaître aux yeux de l'opinion publique comme un vaincu. Curieusement aussi, quelques jours avant le scrutin, une bombe éclate dans le métro de Moscou. Ouais, curieusement. Oui, car le procédé resservira plus tard en 1999. Il s'agit clairement de faire peur. Au fond, en faisant éclater leur bombe, les terroristes, quels qu'ils soient, ont voté Eltsine. Eltsine qui va remporter difficilement le premier tour grâce aux centaines de millions de dollars apportés par les oligarques. Et qui gagnera au second tour. Hein. Oui. Mais sur le terrain. Mais les combats ont repris. L'aviation russe pilonne les villages et procède à de nouveaux massacres. Et là, se passe un événement tout simplement incroyable. Les Tchétchènes annoncent qu'ils vont reprendre leur capitale, Grozny. Et c'est ce qu'ils font, effectivement, au mois d'août. Ils chassent les Russes. Moscou est désormais obligé de faire la paix. Ouais, c'est quand même assez incroyable, ça. Et c'est le général Liébed qui va conclure cette paix. Liébed, qui est très populaire et qui, après avoir obtenu un bon score à l'élection présidentielle, s'est rangé du côté de Eltsine. La paix est donc signée. Le traité prévoit un retrait des forces russes, la tenue d'élections et l'organisation d'un référendum en 2001. Mais tous les germes d'un nouveau conflit existent déjà. L'armée russe, humiliée, voudra tôt ou tard prendre sa revanche. Et dans le camp tchétchène, on a vu se dresser des chefs de guerre redoutables. Des hommes qui, au nom de l'islam, n'accepteront aucun compromis avec Moscou. Et qui ont bien l'intention de mettre le pays en coupe réglée. Il en résultera un profond chaos orchestré à nouveau par les Russes. Une situation explosive qui sera habilement exploitée par Vladimir Poutine pour se hisser au pouvoir. Août 1996, l'inimaginable arrive. Les Tchétchènes l'avaient promis, ils l'ont fait. La puissante armée russe est chassée de Grozny, la capitale de Tchétchénie. Chassée par des guerrieros bien moins armés, mais décidés à libérer leur pays à tout prix. Les tanks russes quittent donc les ruines de Grozny et quelques jours plus tard, sous les auspices du général Liébed, un accord de paix est signé. Le conflit qui a duré un peu moins de 2 ans, a provoqué la mort de près de 100 000 personnes. Des villages entiers ont été rasés. Les droits de l'homme ont été systématiquement niés par les Russes. Des femmes ont été violées. Des hommes exécutés sommairement. La paix survient donc dans un pays meurtri, exsangue, dont la modeste économie a été anéantie. Les Tchétchènes ont vaincu contre toute attente. Mais leur avenir ne s'éclaircit pas pour autant, car la fin de cette première guerre et de son cortège d'horreurs porte en elle les germes de la seconde. Et d'abord parce que les généraux russes, humiliés par la capitulation qu'on leur a imposée, brûlent de prendre leur revanche à la première occasion sur les boïviki tchétchènes, comme ils les appellent, c'est-à-dire les bandits. Ce n'est bien sûr pas la seule raison qui explique le déclenchement de la seconde guerre de Tchétchénie en 1999, une guerre qui sera encore plus impitoyable que la première. Mais cette impatience des militaires russes est un élément dont il faut tenir compte, surtout à un moment où, à la fin des années 90, la question tchétchène va devenir un argument de politique intérieure en Russie. Thank you. En 1996, la paix est donc signée, mais les Tchétchènes ne doivent pas se faire d'illusions. Ce n'est pas encore l'indépendance. Moscou a momentanément cédé, mais n'est nullement décidé à reconnaître la sécession de la petite république. Et du côté tchétchène, on est conscient des menaces qui continuent à peser ? Oh, les plus lucides, certainement. Mais il faut bien le dire, les Tchétchènes vont bientôt retourner à leur vieux démon. C'est-à-dire ? La division et aussi le banditisme. Alors voyons cela dans le détail. La division d'abord. Dans les mois qui suivent la signature de la paix, la plus grande confusion règne en Tchétchénie. L'armée indépendantiste qui a chassé l'envahisseur russe redevient bientôt une multitude de clans dirigés par des chefs de guerre. Des hommes qui n'agissent qu'en fonction de leur propre intérêt et qui pillent ce qui reste encore à piller. Mais il n'y a pas de pouvoir central. Pendant plusieurs mois, non. L'homme qui a succédé au président Dudayev... Dudayev, il faut le rappeler, a été tué au cours de la guerre. Oui, c'est ça, dans les derniers mois du conflit. Mm-hmm. Et son successeur, donc, n'est pas de taille à pouvoir imposer son autorité. Et il faut attendre le mois de janvier 1997 et l'élection à la présidence de l'ancien commandant-chef des forces indépendantistes, Aslan Maskhadov, pour voir réapparaître un semblant d'ordre. Un semblant seulement. Oui, car ces premiers mois qui ont suivi la signature de la paix ont été cruciaux. Et il sera impossible de revenir en arrière. Un mot peut-être sur ce président Maskhadov, là ? Disons d'abord, quoi qu'en dise Moscou, qu'il a été régulièrement élu avec 60% des voix. C'est pas n'importe quoi. Bon, il a battu un chef de guerre très populaire, Chamil Basayev. Un homme qui va malheureusement jouer un grand rôle dans cette histoire. Ben, nous en reparlerons, si vous voulez bien. Mm-hmm. Alors, Maskhadov, me demandez-vous, c'est un modéré, un homme qui veut instituer un État laïque et qui est aussi partisan de négocier avec Moscou. Pour éviter une nouvelle guerre. Certainement. Mais les plus intransigeants l'accusent naturellement de vouloir brader l'indépendance. Mm-hmm. Essaie-t-il, enfin, pourtant, d'asseoir son autorité ? Il essaie, oui. Et pour juguler l'opposition des chefs de guerre, il nommera même ce Basayev Premier ministre. Une alliance qui fera long feu. Non, la tâche est pratiquement impossible, car Maskhadov doit se battre sur plusieurs fronts, contre les mafieux d'abord. Ah, cette fameuse mafia tchétchène. Certains chefs de guerre ne sont bien souvent que des chefs de gang. Il faut le souligner, à la fin de la guerre, les Russes se sont empressés de libérer les criminels tchétchènes qui se trouvaient retenus dans leur prison, à une condition... qu'ils regagnent aussitôt leur patrie. Pour vous, c'est pas innocent. Bien sûr. La manœuvre était claire. Il s'agissait de criminaliser encore un peu plus une société tchétchène dont c'était déjà le penchant naturel. Et vous n'exagérez pas, là ? Nullement. Les chefs de guerre, toujours eux, vont faire de la prise d'otages une véritable industrie. Et parfois, ces raptes crapuleux, qui se traduisent par le versement de fortes rançons, sont habillés de vagues justifications politiques. Il en est ainsi, par exemple, de l'enlèvement de Tchétchènes fortunés, accusés d'avoir collaboré avec l'envahisseur russe. Oui, ça c'est facile. Oui, enfin, la plupart du temps, il ne s'agit que de banditisme. Sinon, comment expliquer le rapt de membres d'organisations humanitaires ou de journalistes occidentaux ? Oui, les Français en particulier sont enlevés, hein. C'est vrai, et bien qu'on ait toujours démenti qu'il y ait eu versement d'une rançon, je suis persuadé du contraire. Il y aura aussi plus grave. En décembre 1998, 4 otages occidentaux, des techniciens des télécommunications, seront retrouvés décapités. Oui. Les ravisseurs ont ainsi voulu donner un avertissement à ceux qui refusaient de verser les rançons. C'est vraisemblable, mais le président Maskhadov accusera les bandits d'être manipulés par des services étrangers. Les services étrangers, les Russes, j'imagine. Bah, Maskhadov ne le dit pas, mais enfin c'est clair. Vous avez bien un affi, vous ? Ce n'est pas impossible. Les Russes avaient intérêt à noircir le tableau en Tchétchénie. Afin de justifier une intervention ultérieure ? Je le pense. Et je me réfère à un autre événement qui s'est passé au printemps 1997. 2 journalistes d'une chaîne de télévision publique russe sont enlevés. En Tchétchénie, petit pays où les informations circulent vite, chacun attribue la responsabilité du rapt à un homme qui travaille pour le FSB. Mais, c'est-à-dire les services secrets russes. Hein. Oui, la suite est très intéressante. Les 2 journalistes sont lâchés. Et le président de cette chaîne de télévision apparaît lui-même sur le petit écran. Il affirme qu'il a payé 1 million de dollars pour obtenir la libération de ses 2 employés. Et pour bien marteler son propos, il exhibe une mallette pleine de billets verts. Voilà, dit-il, ce que vaut la vie d'un journaliste russe en Tchétchénie. Une exhibition qui fait l'objet de multiples rediffusions. Ça ressemble à... C'est ça, une opération de propagande. Ben oui, ça pourrait y ressembler, ça y ressemble. Hein. Et ça ferait partie alors de ce processus de criminalisation suscité par Moscou ? Je le pense. Et on soupçonnera aussi le FSB d'avoir donné un coup de main pour des enlèvements opérés en dehors même du territoire tchétchène. Toujours dans le même but. Oui, hein. Faire en sorte d'assimiler systématiquement les Tchétchènes à des bandits. Ajoutons, mais ça nous en avons déjà parlé dans notre précédente conversation, que se développe en même temps une vraie campagne raciste en Russie, contre les Caucasiens en général et les Tchétchènes en particulier. Oui, vous avez dit ce qu'on appelle péjorativement les Noirs. Oui, en Russie, ils font fréquemment l'objet de brimades ou même d'agressions de la part des skinheads. Vous avez dit que le président Maskhadov devait se battre sur plusieurs fronts. Alors, il n'y a pas que les mafieux et les chefs de gang. Non, non, toutefois, une parenthèse auparavant. Je ne cherche pas à excuser les activités criminelles de Tchétchènes ou de certains Tchétchènes. Mais il faut bien reconnaître que le pays est alors complètement dévasté et dépourvu de ressources. Non seulement les usines ont été bombardées et détruites, mais les troupeaux ont été décimés et les terres sont souvent truffées de mines. Or, la Tchétchénie est essentiellement un pays rural. Et ça explique que la population ait recours à des moyens illégaux pour survivre. Oui, par exemple, les prises d'otages. Non, ça c'est essentiellement le fait des groupes mafieux. Mais il y a aussi le piratage de cet oléoduc qui traverse la Tchétchénie et qui transporte le pétrole de la mer Caspienne. Un oléoduc qui va devenir au fil des années une véritable passoire. Mais est-ce que tout le monde se sert ? Et ce pétrole est revendu en contrebande. C'est une source de revenus non négligeable. Mmh. Alors parlons justement du pétrole qui a été aussi au cœur du déclenchement de la première guerre, m'avez-vous dit, hein ? Non, attendez, j'en ai pas fini avec l'aspect économique. Alors, si vous voulez, très rapidement, la situation a changé, car il y a maintenant d'autres tubes qui ne passent pas par la Tchétchénie. Donc, ce fameux oléoduc tchétchène n'est plus aussi vital pour les compagnies pétrolières ? C'est ça. Alors, revenons à l'économie. D'accord. La Tchétchénie, je vous le rappelle, est un pays enclavé. Toute aide étrangère doit donc obtenir l'accord de la Russie. La Russie qui se garde bien d'autoriser cette aide. D'autre part, Moscou, qui au terme du traité de paix s'était engagé à reconstruire la Tchétchénie, ne respecte pas ses promesses. La conséquence, comme vous pouvez l'imaginer, c'est le développement de cette économie parallèle et souvent mafieuse. Car c'est un véritable blocus que la Tchétchénie doit faire face. Bien, alors je repose ma question. Maskhadov doit se battre sur quel autre front ? L'islamisme. Je crois vous l'avoir dit, mais l'islam pratiqué en Tchétchénie était une religion tolérante et plutôt bon enfant, si je puis dire. Il en va tout autrement de l'islam, qui va être importé par des militants fondamentalistes venus du Proche-Orient, d'Arabie Saoudite ou même d'Afghanistan. Des Moudjahidines ? Oui, des types qui ont combattu là-bas contre les soviétiques et qui, presque naturellement, au nom de l'islam, vont épouser la cause tchétchène. Quand arrive-t-il précisément ? Bien, les premiers débarquent pendant la première guerre, ils ont de l'argent. L'argent saoudien. En particulier, oui. Ils sont donc bien armés, bien équipés. Et ils se battent avec courage contre les Russes. Ça leur permet d'acquérir une popularité certaine. Surtout parmi les plus jeunes des Tchétchènes. Et comme personne n'a osé les désarmer à l'issue de la guerre, ils vont représenter un danger réel pour le pouvoir. Un danger que Moscou avait tout à fait intérêt à exagérer et même à exploiter. Les premiers islamistes sont arrivés en Tchétchénie avant même la dislocation de l'Empire soviétique. Et ils n'ont guère eu de succès sous le régime du président Doudaïev, musulman très modéré et surtout ex-général de l'armée rouge. Les autres arrivent plus tard. Ainsi, voici ce que je lis dans un numéro du Monde diplomatique de mars 2000 sous la plume d'Isabelle Astigaraga. La deuxième vague arrive pendant la guerre avec des volontaires formés au Proche-Orient ou en Afghanistan et surtout, à partir de l'été 1995, avec l'argent qui permet aux indépendantistes de se réarmer et de s'équiper en moyens de communication. Peu à peu, on commence à parler de ce commandant saoudien ou jordanien venu d'Afghanistan, surnommé Khattab, qui dirige son propre groupe de combattants dont les victoires sont d'ailleurs attribuées à M. Shamil Basayev, auquel il s'est allié. Au fil des mois, sa popularité grandit parmi les combattants qui admirent son savoir-faire de guérillero professionnel. Dans les derniers mois de guerre et juste après, les islamistes, dont Khattab est le plus connu mais pas le plus important, commencent à recruter sur tous les fronts. Ils proposent de l'argent, des armes et une doctrine qui ne déplaît pas forcément aux jeunes, lesquels y voient une libération du carcan de la tradition tchétchène et notamment de sa pierre angulaire, le respect des aînés. Un respect que ces jeunes gens ont largement perdu depuis un an et demi en voyant les anciens des villes et des villages en négocier la reddition avec les Russes pour faire cesser les bombardements, tandis qu'eux risquaient leur vie et mouraient dans les combats. Très vite, les islamistes comptent au moins un ou deux hommes dans chaque petit groupe armé. Parlant des islamistes, vous parlez d'un danger qui a été sciemment exagéré par Moscou. Mais remarquez-le, je n'ai pas nié le danger. En fait, il était tentant pour certains chefs de guerre, et je pense surtout à Chamil Basayev, de se servir de l'islamisme. Pour quelle raison fondamentale? Pour affaiblir le pouvoir du président Maskhadov? Oui, mais c'était effectivement dangereux dans la mesure où pouvaient se glisser parmi ces militants ou combattants islamistes les plus fondamentalistes des fondamentalistes, ceux qu'on a appelés les wahhabites. Ce qui a été effectivement le cas. Effectivement. Mais là encore, il faut faire la part des choses et de la propagande de Moscou. Les meilleurs spécialistes ont estimé qu'il n'y a jamais eu plus de 3000 wahhabites en Tchétchénie. C'est peu, très peu. D'autre part, il est certain que ces fondamentalistes musulmans n'ont jamais été très appréciés par la population tchétchène. Alors, question d'actualité, là. Parmi eux, est-ce qu'il y avait des hommes d'Al-Qaïda? Alors, c'est probable, même s'il ne faut jamais oublier que l'organisation de Ben Laden est une nébuleuse de groupes autonomes très difficiles à cerner. Mais là encore, les Russes avaient intérêt à faire croire que des militants d'Al-Qaïda avaient rejoint les indépendantistes tchétchènes. Oui, pour légitimer, enfin, toujours, la Deuxième Guerre. Bien entendu. Mais... Attendez. C'est quand même un point très important parce que plus tard, Poutine accusera les indépendantistes tchétchènes de faire cause commune avec Ben Laden. Hein. Mais je suis d'accord avec vous. Alors oui, tordons le nez à un canard, les liens entre les Tchétchènes et Ben Laden ont été très distendus. Et d'abord parce que les combattants tchétchènes, à l'exception de ces musulmans fondamentalistes, se sont toujours méfiés des extrémistes. Et le nombre de volontaires étrangers venus se battre en Tchétchénie a toujours été faible. Seulement, c'est vrai, à partir du moment où sera déclenchée la Deuxième Guerre, le camp islamiste se renforcera. Parce que l'islam redeviendra un facteur de cohésion dans la lutte contre l'envahisseur russe. Oui, forcément. Je ne sais plus qui a dit « plus les bombes tombent et plus les barbes poussent ». C'est clair, non? Mais si vous voulez une nouvelle preuve de l'influence réduite d'Al-Qaïda sur les Tchétchènes, tournez-vous du côté de Guantanamo. Le camp des prisonniers arrêtés en Afghanistan et détenu à Cuba. Oui, détenu d'une façon parfaitement illégale par les Américains. Mais enfin, c'est une autre histoire. Non, ce que je voulais souligner, c'est qu'aucun Tchétchène ne figure parmi les étrangers capturés en Afghanistan. Il y avait des Russes, oui, quelques-uns, mais aucun Tchétchène. Ouais. Alors revenons à ce que vous disiez, l'influence islamiste. Les progrès de l'islamisme en Tchétchénie doivent surtout beaucoup à la faiblesse du président Maskhadov et peut-être même à l'aide qui leur a été apportée par Moscou. Mais vous avez des preuves, hein? Bon, je remarque simplement que des documents de propagande wahhabite ont été imprimés en Russie. C'est quand même étrange, non? Oui, c'est un peu troublant. Alors, la faiblesse de Maskhadov, avez-vous dit? Le président tchétchène, enfin il est difficile de lui jeter la pierre, se trouve dans une situation extrêmement périlleuse. Il est à la tête d'un pays morcelé, où chacun tire à hue et à dia, et où les chefs de guerre ont déjà conquis de véritables fiefs et n'entendent pas se plier à son autorité. Et ce sont d'abord les islamistes qui l'inquiètent. Des islamistes que son rival, Chamil Basayev, a pris sous sa coupe. Et que peut-il faire alors? Il n'y a que deux attitudes possibles. Ou bien s'opposer frontalement à ces islamistes, peut-être même utiliser la force contre eux, mais Maskhadov craint alors que la Tchétchénie ne devienne une sorte d'Afghanistan. Alors il choisit la deuxième solution. Il va composer en se disant qu'il contrôlera mieux les islamistes en les incorporant dans ce qui reste de l'appareil d'État. Et il récupère vraiment son autorité perdue? Pas vraiment. Les islamistes vont lui imposer concession sur concession. Et sous leur pression, Maskhadov finira même par proclamer la charia. Ça n'empêchera pas l'éclatement de plusieurs conflits armés entre les troupes officielles et les milices islamistes. Conflits qui tournent à l'avantage de qui? Les islamistes sont vaincus. Ah, Maskhadov va en profiter alors pour reprendre la main. Eh oui, il annonce aussitôt qu'il va restreindre l'activité de ses groupes d'opposition virulents, bien que minoritaires. Mais quelques jours plus tard, il est victime d'un attentat. Il en réchappe, mais tous ses gardes du corps sont tués. Ah oui, sérieux avertissement. Sans nul doute. À partir de ce moment-là, il apparaît nettement que le président tchétchène a perdu la main. Il est attaqué de tous côtés. Les modérés l'accusent de faiblesse vis-à-vis des islamistes, et les plus intransigeants lui reprochent de chercher à discuter avec Moscou. Moscou a accepté cette reprise des discussions? Non, pas vraiment. Moscou, pardonnez-moi l'expression, se défile. Ainsi, sur la demande du président Maskhadov, le Kremlin promet de coopérer dans la lutte contre la criminalité, mais il n'en fera rien. Non, il est clair que les Russes parient sur le pourrissement de la situation. En donnant ponctuellement quelques coups de main à ceux qui peuvent contribuer à l'accroissement du chaos. C'est exact, oui. Il ne fait nul doute que le moment venu, Moscou se lancera dans une nouvelle guerre en Tchétchénie. C'est ce qui se dit ouvertement à Moscou dès le printemps 99. Et seulement, il faut trouver un prétexte pour intervenir. Naturellement. Et les Russes vont fabriquer ce prétexte. Mais auparavant, voyons quelle était la situation en Russie en 1999. Le tsar Eltsine était alors sur la sellette. Mais les affaires. Oui. Son entourage, ce qu'on appelait à Moscou la famille, était accusé d'avoir détourné des sommes considérables. De l'argent du FMI qui devait servir à remettre la Russie sur pied. Le président russe était donc très préoccupé. Pas seulement lui, car les oligarques qu'il avait contribué à enrichir étaient aussi dans la ligne de mire. C'était d'autant plus inquiétant pour le Kremlin que le premier ministre Evgeny Primakov, un politicien très populaire, était bien décidé à nettoyer les écuries d'Ogias. Ah, il fallait donc faire vite. Très vite, car des élections législatives étaient prévues à la fin de l'année, et ensuite un scrutin présidentiel l'année suivante. Et tout indiquait que Eltsine et les siens, largement discrédités, risquaient de perdre. Oui, j'ai bien compris. Là, une nouvelle guerre en Tchétchénie permettrait de redorer le blason du clan Eltsine, c'est ça ? Oui, à condition de bien préparer l'opinion publique. Alors, il y a un plan, là. Quel est-il ? Je vais faire court, car il n'y a pas si longtemps, nous avons consacré l'une de nos conversations à la fulgurante ascension de Vladimir Poutine. Mais une ascension qui doit beaucoup à la question de Tchétchène. Qui doit tout, vous voulez dire. Alors ce plan, il faut d'abord se séparer de ce Premier ministre qui se donne des allures de chevalier blanc. C'est fait. En mai 99, Primakov est viré. Une question avant de poursuivre. Quelle était la politique de Primakov à propos de la Tchétchénie, justement ? Primakov, ancien du KGB, était surtout connu pour ses talents de diplomate et il était partisan de régler l'affaire par la négociation avec les indépendantistes. Il en était d'autant plus persuadé que le président tchétchène élu, Maskhadov, n'était pas un jusqu'au boutiste. Il se serait certainement satisfait d'un statut de très large autonomie. Sans rompre formellement avec Moscou ? Oui. Et c'était la raison même, tant ce petit pays enclavé dépendait étroitement de l'aide russe. Une république tchétchène complètement indépendante n'était pas viable. Pas encore, en tout cas. D'accord. Alors, Primakov est viré. Et un jeune et terne premier ministre est nommé par Eltsine. Si terne que j'ai même oublié son nom. Enfin, ce nouveau premier ministre qui est aux ordres n'est pas de force. Il est incapable d'apaiser la tempête qui risque d'emporter le maître du Kremlin. D'autant que les Russes n'ont pas digéré la brutale éviction de Primakov. Des comités de soutien se forment un peu partout. Il est plus que jamais urgent d'agir. Et c'est ainsi que va apparaître Poutine. Oui, le jeune premier ministre nommé par Eltsine est à son tour viré. Il n'aura gouverné que 2 mois. Et Poutine, un quasi-inconnu, le remplace. Un quasi-inconnu qui est quand même le patron des organes de sécurité, comme on disait autrefois en URSS. Mais ce n'est pas un hasard. Poutine accède au pouvoir au mois d'août. Et à partir de ce moment, tout va aller très vite. J'ai trouvé dans un numéro du Monde de septembre 1999, c'est-à-dire avant le déclenchement de la seconde guerre de Tchétchénie, une interview du président Maskhadov par la journaliste Sophie Chiab. Voici ce que déclare le président tchétchène. Je disais depuis longtemps que plus on approcherait des élections russes, plus grandes seraient les chances de voir la Tchétchénie devenir à nouveau un pion de celle-ci. C'est ce qui s'est passé. Même s'il y a eu de bons contacts à nouveau ensuite avec Evgeny Primakov, par exemple. C'est un homme sans illusion et un homme de parole. Mais en Russie, on avait déjà décidé de passer à d'autres méthodes. Ils se sont préparés très professionnellement. Ils ont tout fait pour discréditer un peuple qui s'était dignement battu pour sa liberté. Les prises d'otages, le terrorisme, le wahhabisme, c'est aussi leur travail. Les Russes ont commencé le cycle des otages avec leur camp de filtration pendant la guerre. Puis ils ont payé des millions de dollars aux bandits pour le rachat de gens connus. C'est plus de la politique que du banditisme. Question de la journaliste du Monde. Mais il y a aussi du banditisme, il y a des centaines d'otages tchétchènes. Réponse de Maskhadov. Je ne dis pas non, mais On n'avait pas ça avant. Maintenant, on enlève des gens à Moscou ou en Ossétie, on les vend en Ingouchie et on les amène en Tchétchénie pour réclamer d'ici la rançon. Des officiers russes vendent leurs soldats et le pays est en ruine. Des jeunes n'ont que leurs armes et leur haine de tout car le pays est dévasté et soumis au blocus. Les Russes n'ont pas payé ce qu'ils ont promis. Ils ont fermé la voie ferrée et l'aéroport. Ces dernières semaines, 60 wagons de blé américain, aide humanitaire destinée à la Tchétchénie, ont été détournés vers l'Ossétie et l'Ingouchie. Poutine est donc nommé Premier ministre au début du mois d'août 1999 et simultanément des islamistes tchétchènes commandés par Chamil Bassaïev s'introduisent au Daghestan. C'est-à-dire la république voisine de la Tchétchénie, oui, à l'Est, hein, je crois. C'est ça, oui, une république qui, elle, fait partie de la Fédération russe. L'objectif affirmé de ces hommes, qui seraient des wahhabites, c'est l'établissement au Daghestan d'un État islamiste. Pour Moscou, c'est une vraie provocation. Et Poutine, à peine nommé, annonce que l'armée russe va lancer une grande offensive pour chasser ces troupes qui menacent l'intégrité territoriale de la Fédération. Et au passage, leurs bases situées en Tchétchénie vont être frappées. Mmh. C'est le point de départ d'une nouvelle guerre. Pas encore. Pas encore parce que les hommes de Bassaïev vont tranquillement retraverser la frontière sans que l'armée russe ne s'y oppose sérieusement. Mais ils reviendront un peu plus tard. Nouvelle incursion. Oui, assez brève cette incursion. Mais elle coïncidera avec un violent attentat commis contre un immeuble occupé par les troupes russes. Il y aura 60 morts. C'est au Daghestan, non ? Oui, c'est exact. Suivront d'intenses bombardements russes de part et d'autre de la frontière entre la Tchétchénie et le Daghestan. Mmh. Et, enfin, disons-le tout de suite, tout ça vous paraît très curieux. Évidemment. On aurait voulu donner un prétexte aux Russes pour intervenir en Tchétchénie qu'on n'aurait pas fait mieux. Enfin, c'est pas fini. Attendez, avant d'aller plus loin, comment décryptez-vous cette double incursion au Daghestan ? Tout tourne autour de ce chef de guerre, Bassaïev. Un homme qui est, je vous le rappelle, le principal opposant du président Maskhadov. Bassaïev a toujours entretenu d'excellentes relations d'affaires avec les oligarques russes, et en particulier avec l'un des plus éminents d'entre eux, Boris Abramovitch Berezovsky. Et ce dernier a convaincu Bassaïev de se livrer à ce petit simulacre de guerre. Un simulacre. Il y a un scénario prévu là. Oui. Bassaïev devait pénétrer avec ses hommes au Daghestan. On lui promettait que les troupes russes présentes dans cette république auraient été préalablement retirées. Il y aurait forcément des accrochages, mais limités. Mmh. Ensuite, l'armée russe interviendrait, Bassaïev regagnerait sagement ses bases en Tchétchénie. L'important, c'était de montrer à l'opinion publique russe que les Tchétchènes étaient décidément des gens épouvantables et qu'il fallait qu'un homme fort règle la question une fois pour toutes. Je veux bien vous croire, mais enfin, qui a poussé Berezovsky à agir ainsi le Kremlin pour hisser Poutine jusqu'aux premières marches du pouvoir ? Eh bien non. Ça vous étonne, n'est-ce pas ? Ah oui. Berezovsky avait son idée. Pour lui, le sauveur, l'homme fort qu'il appelait de tous ses voeux, c'était le général Liébed. Celui qui avait signé la paix en 1996. Oui, hein, Liébed était très populaire et il bénéficiait de la confiance de la troupe. C'est déjà avec les millions de Berezovsky qu'il avait été élu gouverneur de Krasnoïarsk. Ouais, en Sibérie, hein, c'est ça. Mais au Kremlin, on ne voulait pas de Liébed. Trop encombrant, trop incontrôlable. Parce que Etsine et son clan n'avaient qu'une idée en tête, se sortir d'affaire. C'est-à-dire échapper à la justice. Oui, et si Liébed devenait l'homme fort de la Russie, Etsine n'était pas certain de pouvoir échapper aux ennuis qui le menaçaient. Alors le Kremlin a d'abord laissé faire. Le scénario s'est déroulé à peu près comme prévu, mais Poutine est intervenu. Et c'est lui qui a pris les choses en main avec l'accord de l'état-major de l'armée qui rêvait de revanche depuis 1996. Ouais. C'est-à-dire qu'il a coupé l'herbe sous les pieds de Berezovsky, au fond. Oui, du général Liébed, qui s'y voyait déjà. Et notez-le bien, ça coûtera très cher à Berezovsky, qui deviendra plus tard la bête noire de Poutine. Ouais, il est toujours, hein. Oui, malgré toutes les faveurs qu'il avait précédemment accordées au clan Etsine. Il est aujourd'hui exilé. Il a perdu les médias qu'il contrôlait, fait l'objet de poursuites judiciaires en Russie. Mais je poursuis. Mm-hmm. Etsine et Poutine ont donc récupéré la manipulation montée par Berezovsky. Mais celui qui allait devenir le successeur de Boris Etsine n'entendait pas en rester là. Il a vite compris tout le parti qu'il pouvait tirer de cette affaire tchétchène. Et à mon avis, le premier signe, c'est cet attentat au Daghestan. L'attentat contre l'immeuble des forces russes. Oui. Vous n'allez tout de même pas me dire que c'est Poutine qui a commandité cet attentat. Un attentat qui n'est que le premier d'une série. Il y en aura à Moscou et en province. Au total, il y aura des centaines de morts. Oui, d'accord, mais enfin, vous n'avez pas répondu à ma question. Hein. Alors, je vais essayer de vous donner satisfaction. Il est évident qu'il n'existe aucun ordre écrit de Poutine ordonnant à ses anciens collègues des services secrets de perpétrer ces attentats. Mais ça ne veut pas dire que le Kremlin ait été étranger à ces massacres, qui, aussitôt attribués aux théories tchétchènes, vont permettre à l'armée russe d'entamer la Deuxième Guerre, avec le soutien massif de l'opinion russe. Oui, j'allais vous dire, il ne pouvait pas en être autrement. Oui, et étant donné la mauvaise réputation des Tchétchènes, c'était relativement facile de dresser les Russes contre eux. Alors vous me dites que le Kremlin, ce n'est... Il n'est pas forcément étranger à ces attentats. Je le pense, oui. Hein. Comme je suis persuadé que les services secrets, c'est-à-dire le FSB, ont joué un rôle dans ces affaires. Parce que, alors, selon vous, ce sont des agents du FSB qui ont posé ces bombes? Ah, je n'ai pas dit ça, non, non. Non, je pense à ces fous de Dieu, ces wahhabites, contrôlés par Bassaïev, dont le chef était un jordano-saoudien, un certain Khattab. Rien n'était plus facile que d'infiltrer ce groupe et de le manipuler. Un groupe qui, d'ailleurs, avait déjà reçu l'aide matérielle du FSB. Ah, dans le but de déstabiliser le pouvoir du président Maskhadov. Bien entendu. Donc, les contacts existaient déjà. Il a suffi ensuite d'être persuasif. Après tout, pour ce type qui avait parfois combattu l'armée rouge en Afghanistan, tuer des Russes ne devait pas poser beaucoup de problèmes de conscience. Mais je vais vite. Les Tchétchènes étant accusés d'être les responsables de ces attentats, Poutine peut lancer ses troupes à l'assaut de la Tchétchénie dès la mi-septembre. Oui, au nom de la lutte légitime contre le terrorisme. Oui, mais ça dure toujours. Et c'est dramatique, parce que cette deuxième guerre est peut-être encore plus horrible que la première. Enfin, je ne vous apprends rien. Et les attentats du 11 septembre 2001 aux États-Unis conforteront la position de Poutine. Il dira qu'à sa manière, lui aussi combat Al-Qaïda. Et peu de pays oseront protester. La guerre se poursuit donc dans le plus grand silence, enfin je veux dire le silence des grands États. Et remarquez que la dramatique prise d'otage de l'automne dernier dans un théâtre de Moscou, la Dubrovka, est survenue à point nommé pour justifier encore une fois le combat de Poutine. Mais rien n'est clair dans cette affaire, je crois vous l'avoir déjà dit. Il aurait donc pu s'agir, selon vous, d'une nouvelle manipulation? C'est très probable. Surtout lorsqu'on s'attarde sur la personnalité du chef du commando tchétchène. Ce Movzar Barayev n'était qu'un chef de gang, et l'un de ses parents, son oncle, je crois, était l'un des principaux artisans de cette industrie de la prise d'otages dont je vous ai déjà parlé. Oui. Mais alors, bon, quitte à vous répéter, pourquoi cette dramatique affaire arrivait-elle à point nommé pour Poutine? Parce qu'il avait déjà en vue l'organisation de ce référendum mascarade de mars 2003, un scrutin qui devait permettre de mettre hors jeu Maskhadov et... arrimer définitivement la Tchétchénie à la Russie. Une dernière question. Pourquoi la guerre dure-t-elle toujours? Bonne question. Poutine a besoin de cette guerre qui justifie l'État autoritaire qui se met peu à peu en place en Russie. Une guerre qui donne aussi l'illusion aux Russes que leur nouveau tsar est en train de travailler à la restauration de la grandeur russe. Enfin, il ne faut pas oublier les profits des uns et des autres. Enfin, je pense surtout aux généraux russes qui pillent systématiquement la Tchétchénie et qui n'ont pas du tout envie de renoncer à ces prébendes. Pourquoi cet épouvantable conflit se poursuit-il? Ai-je demandé à M. X. Le 10 février dernier, la correspondante du Monde à Moscou donne sa propre réponse. En 3 ans, le conflit dans le Caucase est devenu une composante intégrale de l'édifice complexe du pouvoir tel qu'il existe aujourd'hui en Russie. Obligé de trouver un équilibre au cœur d'un triangle composé des oligarques, des barons régionaux et des structures de sécurité, armée, police, services secrets dont il est issu, Vladimir Poutine semble utiliser la prolongation de la guerre comme un moyen de pression sur les uns et les autres. La violence de l'État russe, déchaînée sur le petit territoire tchétchène, a agi comme une mise en garde aux différents pans de la société. Le Kremlin a par exemple instrumentalisé le drame de la Dubrovka pour limiter encore plus la liberté des journalistes. Dépendant du FSB, les services secrets russes qui placent leurs hommes dans l'administration d'État et dans les grandes compagnies, Vladimir Poutine dispose aussi, par le biais du conflit tchétchène, d'un levier sur eux. Chargé de l'opération antiterroriste en Tchétchénie, le FSB portera, le cas échéant, la responsabilité de ses ratés. La même logique vaut pour les généraux de l'armée déployés en Tchétchénie, compromis dans de nombreux crimes et trafics.